Psaume 11. Psaume de David, donné au maître chantre. Je me suis retiré vers l'Éternel, comment donc dites-vous à mon âme, fuis t'en en votre montagne, oiseau? En effet, les méchants bandent l'arc, ils ont ajusté leurs flèches sur la corde, pour tirer en secret contre ceux qui sont droits de cœur. Puisque les fondements sont ruinés, que fera le juste? L'Éternel est au palais de sa sainteté, l'Éternel a son trône aux cieux, ses yeux contemplent, et ses paupières sont des fils des hommes. L'Éternel sonde le juste et le méchant, et son âme est celui qui aime la violence. Il fera pleuvoir sur les méchants des lacs, du feu, et du soufre, et un vent de tempête sera la portion de leur breuvage. Car l'Éternel juste aime la justice, ses yeux contemplent l'homme droit.